Les fondements de la pensée des Khawarij par Abdelrahman ibn Nasser al-Barrak. Question. Quels sont les points sur lesquels les Khawarij sont d'accord? Et quels sont les points où ils divergent? Et à partir de quand dit-on d'une personne ou d'une pensée ou autre que ces Khariji ont une pensée Kharijite? Réponse. Louange à Allah. Khawarij est le nom d'un groupe d'hérétiques qui fit son apparition lors du califat de Ali Kalalagré. Et leur chef était dans l'armée d'Ali. Puis, il le quitta lorsque Ali et Muawiya s'entendirent pour prendre Abu Moussa et Omar ibn al-As qu'Allah les agrée pour arbitre. Les Khawarij désapprouvèrent cela et dirent « Vous avez pris pour juge des hommes alors que seul Allah est juge. » Ali leur envoya Ibn Abbas qu'Allah les agrée, qui débattit avec eux. Beaucoup d'entre eux se repentirent après cela, et ceux qui persistèrent se rassemblèrent en un lieu nommé Nahrawan. Ils déclarèrent mécréants les arbitres, Ali et Muawiya, et ceux qui étaient avec eux. Ils attaquèrent les musulmans et tuèrent Abdullah ibn Khabbab, l'un des compagnons d'Ali, qu'Allah les agrée. Ali vit en eux ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit et ordonné de combattre ceux qui quittent la Jamara. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Des gens sortiront de vous, vous serez gênés face à leurs prières et leurs jeûnes et leurs actes de piété. Ils récitent le Coran, mais ils ne dépassent pas leur gorge. Ils sortent de la religion comme la flèche transperce sa cible », rapporté par le Bukhari Muslim. Dans un autre hadith, « Où que vous les trouviez, tuez-les. Celui qui les tue en sera récompensé le jour du jugement. » Ali et les compagnons qui étaient avec lui les combattirent. Et Allah lui donna la victoire contre eux. Le fondement de leur pensée est de juger mécréant celui qui est coupable de grands péchés. Ils considèrent aussi certaines choses comme étant des péchés alors qu'ils n'en sont pas. Et ils jugent mécréant celui qui le commet, comme par exemple le fait de prendre un arbitre entre Ali et Muawiya. Ils jugèrent Ali et Muawiya mécréants, ainsi que ceux qui étaient avec eux. Ils se divisèrent ensuite en plusieurs groupes en fonction de leur chef. Parmi leurs fondements connus, ils nient la sunna. Parmi ceux-là, essuyer les chaussons lors de l'ablution et lapider l'adultérin marié. Il nous apparaît alors qu'une personne n'est pas un khariji tant qu'il ne professe pas ces deux fondements. 1. Juger mécréant celui qui fait un grand péché. 2. Nier la pratique et l'argumentation de la sunna. Pour les détails entre les différents groupes de Khawarij, il faut revenir aux ouvrages sur les sectes comme le livre Al-Milal wa Al-Nihal et Al-Fisal d'Ibn Hazm. Et Allah sait mieux.